L'actualité à Nancy et ailleurs. La mine de fer de Neuve-Maison accueille de nouveau le public pour notamment ses vacances d'avril et bien sûr pour la saison. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Vincent Ferry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Agence du patrimoine et de la culture des industries Néo de Vienne. Et bien avec vous, on va redécouvrir ce lieu un peu mythique de la région et de l'histoire de la Lorraine. Oui, c'est un peu un mythe. D'abord parce que on est les seuls à avoir ouvert des galeries du 19e siècle, donc on est complémentaire de visites qui existent depuis assez longtemps maintenant à Neufchef en Moselle, mais qui sont sur des galeries beaucoup plus récentes et donc qui n'ont pas le même aspect. Et puis mythique parce que le bassin autour de Nancy, ben, c'était les trois quarts du fer français en 1889 notamment, c'est-à-dire au moment où on établit ce record incroyable de construction en rapidité et en hauteur qui s'appelle la Tour Eiffel, voilà, pour montrer la technologie et le génie français. Donc, comme par hasard, la mine dans laquelle on est, c'est des galeries qui étaient contiguës à la mine originelle de cette Tour Eiffel. Voilà, donc la mine, elle date de 1874. Voilà, c'est le début de l'extraction sur notre mine, en fait, avec l'usine de Neuve-Maison, qui, elle, existe toujours aujourd'hui, qui a été créée à ce moment-là aussi. Donc, ouverture de la mine officielle, avril 1874, première coulée du haut fourneau, juillet 1874. Donc voilà, on est cette année aux 150 ans de création de la société, et on va aller jusqu'aux 150 ans... de la première coulée à l'usine par quelques petits événements dans les deux ans qui viennent. Cette mine de fer de Neuve-Maison, on peut la visiter. Depuis plusieurs années maintenant, il y a des travaux de restauration qui sont faits. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ces restaurations? Alors aujourd'hui, bon, on continue. Il y a des équipes de bénévoles qui travaillent toutes les semaines pour continuer à améliorer l'accueil, améliorer la sécurité, pouvoir... aussi élargir la visite. Ça sera fait dans le courant de l'année par un nouveau bout de galerie dont on est en train d'achever les travaux. Et puis, bien sûr, à partir de là, on a un peu plus d'un kilomètre qui peuvent se visiter en toute tranquillité pour les visiteurs et qui permet d'avoir un aperçu assez impressionnant, en fait, de ce que pouvaient être les conditions de travail et les conditions d'extraction à la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Donc lors de cette visite qui dure à peu près 2 heures, je crois, avec un guide, un guide bénévole, on est vraiment plongé à cette époque avec des mises en situation, le matériel de l'époque aussi. Voilà, on a un peu de matériel de l'époque, donc on apprend en même temps qu'on visite, on apprend aussi aux gens... à creuser à la manivelle un trou dans la roche pour y placer de la poudre noire, puisque la roche, il fallait l'exploser avant de pouvoir la travailler et extraire le minerai. On apprend aux gens à pousser un wagon pour se rendre compte, un wagon d'époque, pour se rendre compte un peu de la difficulté de cette situation-là. On montre aux gens aussi des outils. Donc, par exemple, on soulève les premières perforatrices qui sont des engins qui nous paraissent absolument incroyables aujourd'hui de poids et de alors qu'elles étaient pour les mineurs un progrès par rapport au perçage à la main. Enfin voilà, donc on se rend compte un peu comme ça, on essaye de montrer par des petites choses pratiques, en particulier pour les enfants, vraiment les conditions de travail. Qu'est-ce que c'est le travail de la mine? Comment est-ce qu'on arrive à extraire la pierre dans des conditions qui sont des conditions très difficiles et très dangereuses. Ça, on s'en rend compte assez vite au début de la visite. Et ça impressionne toujours les visiteurs, notamment les plus jeunes, à chaque fois? Ben, je crois que ce qui est vraiment sympathique pour l'ensemble des guides qui sont des bénévoles, c'est justement de voir que tout le monde est impressionné à son niveau. Les enfants, peut-être parce que ils rentrent dans un univers qui a un aspect un peu féerique, c'est très joli finalement les couleurs à l'intérieur de la mine qui sont un peu rose, rouge, jaune en fonction du calcaire ou de la présence de l'oxyde de fer. Et il y a un aspect, voilà, on rentre dans une caverne mais qui a été creusée par l'homme. Bon, pour les enfants, c'est comprendre très vite à quoi ça sert, et c'est impressionnant. Et puis je pense pour les adultes, il y a un peu ce qu'on appelle l'effet cathédrale, c'est-à-dire on rentre dedans et à un moment donné, il y a une certaine solennité, parce que quand on comprend que des hommes ont travaillé là-dedans dans l'adversité, qu'ils ont inventé aussi beaucoup, hein, d'un point de vue technique, on est assez impressionné, parce que finalement, c'est les bases de notre civilisation contemporaine, hein, celle du fer qui nous permet de voyager plus loin, qui nous permet de construire plus vite. Voilà, c'est vraiment notre civilisation. Donc, pour les petits comme pour les grands, je crois que c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Vous voyez, par exemple, hier, dans le même groupe, on avait des adultes, des grands-parents avec des petits-enfants et des jeunes filles de 17 ans qui sont venues, et ils sont tous sortis avec la même impression, comme on dit, un peu solennel, quoi, quelque chose qui est impressionnant, et puis en même temps une découverte, une compréhension d'une époque dont on parle peu, c'est-à-dire celle de la révolution industrielle. Donc la période scolaire, eh bien, elle est propice justement à venir découvrir ce lieu qui est aussi dans un cadre assez verdoyant aussi, hein, dans la forêt domaniale de Haye. Oui, voilà, on est vraiment au bord de la forêt. C'est une sorte d'amphithéâtre naturel qui a été creusé par les glaces de la dernière époque glaciaire. Donc le site est très joli. Et puis alors, dès qu'il y a un rayon de soleil, en ce moment, on voit les arbres qui commencent à fleurir, donc c'est vraiment joli. Et donc ça permet aussi, plus en plus, de par exemple des groupes qui viennent à la fois pique-niquer sur place. On laisse toujours des tables, des chaises et à disposition un ancien abri de mineurs quand ils attendaient le bus, qu'on a remonté sur place. Donc les gens peuvent venir aussi pique-niquer, ça commence à se savoir de plus en plus, et donc on peut passer plusieurs heures sur le site, en plus de la visite ou en se baladant autour dans la forêt de Haye, qui sont assez agréables. S'il pleut, on a toujours un abri, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Voilà, c'est toujours, l'abri est toujours ouvert pour les gens, les promeneurs. Merci beaucoup Vincent Ferry. Donc pendant ces vacances scolaires, c'est ouvert tous les après-midi de 13h30 à 16h. C'est 7 euros l'entrée pour les adultes, 3,50 € pour les 10-18 ans, et c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Donc voilà, plein de bonnes raisons pour venir découvrir ce lieu tout près de Nancy à Neuve-Maisons, la mine de fer. Merci beaucoup Vincent Ferry. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.